Tiré du recueil Les femmes des autres de Georges Courteline, Henriette a été insultée. Ce fut vers la fin de mars que j'insultai Henriette, exposa simplement le peintre Fabrice, qui coupa court à toute espèce de préambule. J'ai gardé le souvenir précis de cette date parce que je me vois encore, le jour où l'événement arriva, brossant fiévreusement les bords de mon mécène avec 2 mètres carrés de toile blanche devant moi et 48 heures pour finir. Cette Henriette était la femme d'un médecin qui m'avait, à force de soins, de dévouement et de talent, arraché une mort probable et dont je n'avais cru pouvoir mieux reconnaître les bons offices qu'en le faisant éperdument cocu. Petite canaillerie dont je me trouvais au mieux et qui, en somme, n'eut d'autre effet que de resserrer plus étroitement les liens d'extrême amitié qui nous unissaient l'un à l'autre, lui et moi. Comment le roman s'était formé? C'est bien ce qui vous importe le moins. Ça avait été, dans toute sa banalité, l'éternelle histoire amoureuse à laquelle, plus ou moins de fois, nous avons tous été mêlés. La femme était charmante et jeune. Je mourais d'envie de la voir. Elle ne voulait pas. Je voulais. Un jour, elle a bien voulu. Voilà toute l'affaire en un mot. Et une rude affaire, vous savez. Mes enfants, un morceau de roi, un vrai amour de petite femme, grosse comme le poing et grasse à poing, des dents de louve, le nez retroussé d'une chiquenaude, les joues rebondies en feuilles de rose, et des yeux de jeune chat, ravissants, de ces yeux couleur de pervenche où la pupille se noie dans l'ombre de l'iris. Notez qu'elle posait comme un ange, comprenant le mouvement à donner mieux que n'importe quel modèle de profession et capable de garder la pose 3 quarts d'heure sans désemparer, à cause de quoi elle m'était souvent très précieuse. Vous comprenez, n'est-ce pas, comme c'était chic pour moi d'avoir toujours un modèle de nu sous la main et un modèle exceptionnel, je le répète, exceptionnel d'intelligence, de patience et de bonne volonté, sans parler des hanches et des cuisses, qui était pur comme l'antique. Nom d'un chien, quelle charmante maîtresse! Je veux être pendu si je n'ai pas fait mon deuil de ne jamais retrouver sa pareille, le jour où son gêneur de mari imagina de décamper et de s'en aller planter la tente conjugale dans je ne sais quel trou de province. Henriette avait un défaut, par exemple. Oh, mais là, un sale défaut. Une susceptibilité outrée, puérile, toujours en éveil. Le point d'honneur ridiculement chatouilleux des femmes qui n'ont failli qu'une fois et qui ont gardé dans la faute la foi en leur honnêteté. Dieu sait si quelqu'un plus que moi croyait à l'honnêteté d'Henriette. N'importe. Il paraît que je passais ma vie à lui donner toutes les preuves du contraire, à l'abreuver d'humiliation, à la blesser au plus sensible de sa fierté, par de petites attaques sournoises, pleine de sous-entendus perfides et d'allusions malicieuses, si bien que, pour un mot, pour un geste, pour un rien, crac, mon Henriette changeait de couleur, pinçait les lèvres, ricanait, et commençait de mâchonner entre ses dents des tas de mea culpa ironiques et amères. C'était tellement imbécile que je ne prenais même pas la peine de me justifier. Je haussais les épaules, et j'attendais que ça passe. Un jour que nous étions tout seuls à l'atelier, moi terminant ma grande machine du salon, avec l'inquiétude énervée de l'homme qui compte les minutes, elle travaillant derrière moi, je ne sais quel ouvrage de femme, il arriva qu'elle me posa une des questions à laquelle je fis une réponse. Qu'entendit-elle? Que comprit-elle? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'elle se leva. Et de cet air de grande dame outragée qu'elle affectait dans les circonstances solennelles, « Très bien, dit-elle. Tu m'insultes maintenant. » C'était là un genre de surprise auquel j'étais habitué. J'avoue cependant que cette fois, je me sentis monter au front une sueur d'ahurissement. Je me retournai sur ma chaise, ma pipe dans une main, ma palette dans l'autre. Henriette, debout, blanche comme un linge, enroulait précipitamment entre ses doigts une longue bande d'un tricotage bleu dont on voyait dépasser à chaque bout la pointe effilée d'une aiguille de buis. Elle enfouit le tout dans sa poche, prit son chapeau et vint s'en coiffer devant la glace. Alors seulement la parole me revint. Je hurlai « Moi? Je t'ai insulté ?» Elle ne daigna pas me répondre, les dents serrées sur l'épingle de son chapeau. Fiévreuse, rageuse, les bras en l'air, elle se noua derrière la nuque, les bouts flottants de sa voilette, après quoi elle fit volte-face et se dirigea vers la porte. Moi, je sautai sur la serrure, que je fermai à double tour. « C'est trop fort, par exemple, tu ne sortiras pas. »« Donne-moi la clé, » dit Henriette. Je dis « Non », et je lui tournai le dos. Mais Henriette simplement reprit. « Je te dis de me donner la clé. » Je la regardai, dure, froide, hautaine. Elle tendait sa main gantée dans la simple et calme assurance de son inexorable entêtement. Je me sentis faiblir. J'hésitais. Je tourmentais au fond de ma poche la clé que je venais prudemment d'y enfouir. Quand tout à coup, lasse d'attendre, Henriette courut à la fenêtre et l'ouvrit. « Donne-moi la clé ou je crie. » Je refoulais le flot de sang qui commençait à me monter aux yeux et avec une extrême douceur. « Henriette, lui dis-je, au nom de ta mère, au nom de ton fils, au nom de ton Dieu, au nom de ce que tu as au monde de plus cher et de plus sacré. » « Je te supplie de m'écouter 5 minutes. Tu m'entends bien ? 5 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Si, au bout de ce temps, je ne t'ai pas convaincu, eh bien, je te rendrai la clé. Et tu feras ce que tu voudras. » Henriette trépigna d'agacement. Elle eut un lent haussement d'épaule, leva les yeux au plafond comme pour en appeler à lui de son angélique patience. Et finalement, se laissa tomber dans l'angle du canapé sofa qui bordait le fond de l'atelier. Là, elle se croisa les bras, se jeta une jambe par-dessus l'autre, et parut prête à m'écouter. Je m'assis auprès d'elle et lui parlai comme suit. « En vérité, Henriette, il y a des moments où je me demande si tu es folle ou si c'est moi qui n'y suis plus. À chaque instant, pour un oui ou pour un non, te voilà partie, emballée, montée comme une soupe au lait. Tu comprends que ce n'est pas sérieux, qu'il faut que nous nous en finissions une fois pour toutes, avec cette petite plaisanterie. Pour qui me prends-tu à la fin, avec tes histoires d'insultes ? Et quel homme crois-tu donc que je sois ? T'insulter ? À propos de quoi ? Et pourquoi faire ? Est-ce que j'ai l'ombre d'un reproche à t'adresser, moi ? Est-ce que tu m'as fait quelque chose ? Hormis te prodiguer avec moi, avec toute l'abnégation et tout le désintéressement dont tu es capable ? Mais c'est à crever de rire, ma parole d'honneur. Ma chère amie, pars donc bien de ce principe que je ne suis ni assez enfant pour m'aller amuser à de niaises taquineries, ni assez bête pour t'aller attaquer froidement au plus sensible d'une susceptibilité déjà ombrageuse par elle-même, et que la situation vis-à-vis de moi n'est naturellement pas faite pour amortir. J'ai au contraire la prétention de t'avoir en tout et pour tout traité pour ce que tu es, c'est-à-dire pour une bonne et honnête petite femme, digne non seulement de l'affection, mais aussi de l'estime profonde et des égards d'un honnête homme. Non, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est une monomanie. Tu es poursuivi de l'idée que je te considère comme la dernière des filles parce que tu as un amant, et que cet amant c'est moi. Cette ridicule comédie que tu nous fais jouer aujourd'hui, ce n'est pas une fois déjà que nous l'avons jouée. Mais c'est 10 fois, mais c'est 20 fois, mais c'est 100 fois. Quelque chose que je fasse ou que je dise, tu l'interprètes, non seulement à faux, mais à mal. Il semble que tu n'aies pas au monde un ennemi plus acharné et plus féroce que le pauvre diable auquel tu as bien voulu faire l'immense joie et l'immense honneur de te donner. C'est désespérant, tu admettras. Voyons, Henriette, sois raisonnable, tâche d'ouvrir un peu les yeux, de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et de ne plus m'insulter moi-même, à tout bout de champ, par des accusations telles que si elles étaient justifiées au centième, elles suffiraient déjà à faire de moi un imbécile ou un méchant homme. Henriette n'avait point bougé. Elle demeura impassible, l'œil fixé sur une fêlure du plafond, dans l'attitude parfaitement désintéressée d'une personne qui se trouve mêlée à la conversation de 2/3 et qui affecte de s'en tenir à l'écart. Je repris. Je viens de m'adresser à la femme de cœur. Je vais maintenant parler à la femme d'esprit. J'espère que je serai plus heureux. Ma chère Henriette, comme j'ai eu l'honneur de te le dire, nous n'en sommes malheureusement pas au coup d'essai. Dieu seul pourrait dire combien de fois j'ai dû lâcher mon appui-main et ma palette pour me lancer à ta poursuite à travers l'escalier de cette même maison que tu menaces encore de quitter aujourd'hui. Pourquoi, on n'en sait rien. Les premiers temps, c'était tout plaisir, parbleu. Je te rattrapais à l'étage au-dessous et je te ramenais à l'atelier avec les honneurs de la guerre. Puis je me suis borné à te guetter par la fenêtre et à attendre, pour te rejoindre, que tu aies tourné le coin de la rue. Puis j'ai attendu au lendemain pour m'aller mettre sur ta route. Puis je ne t'ai plus rejointe ni attendu du tout, te rappelant simplement d'une lettre, au reçu de laquelle tu te hâtais d'accourir d'ailleurs. Car tu n'es ni rancunière ni méchante, tu as les nerfs bêtes, voilà tout. Mais enfin le moment est venu où je ne t'ai même plus écrit, où je t'ai laissé à ton malheureux sort et à tes tardives réflexions. On se lasse à la fin, tu comprends? Et alors, ma chère Henriette, il a bien fallu que tu reviennes. Que tu reviennes de toi-même, sous le premier prétexte imbécile venu. Une voilette ou un mouchoir oublié, sachant fort bien qu'une fois là, je ne te laisserai plus repartir. Eh bien, ma chère amie, prends garde. Cette fois-ci, tu n'oublies rien. Ni un mouchoir, ni une épingle, ni une allumette, ni une feuille de papier. Or, tu ne serais pas femme si tu poussais la bonne foi jusqu'à me revenir purement et simplement, parce que ton cœur te l'aurait commandé. Et que tu te serais dit cette chose, si profondément vraie pourtant, que je serais encore trop heureux de te revoir et de te ravoir. Non, il te faudra ton entrée, ta petite entrée à sensation, et cette petite entrée, tu ne la trouveras pas, parce que, je te le répète, tu n'oublies ni une allumette ni une épingle. D'où je conclus que tu te fermes irrévocablement la porte de cet atelier si, en dépit de ces justes représentations, tu te détermines à la franchir. Henriette, mon enfant chéri, ma chère mignonne, je te jure que tu t'es trompée, que les oreilles t'ont corné, que je t'ai dit la chose la plus simple et la moins offensante du monde. Et au surplus, si ces serments ne te suffisent pas, Henriette, je te demande pardon, je te demande pardon à genoux. Non pour ce que j'ai dit, puisque je n'ai rien dit, mais pour ce que tu as entendu. Et je me tue, attendant l'effet de ma petite improvisation. « Tu as fini ?» dit Henriette. « Tu es content ?»« Je t'ai laissé parler. »« Eh bien, donne-moi la clé maintenant. » Moi, là-dessus, la colère me prit. Une de ces colères d'hommes gros qui prennent à la gorge et aux yeux, vous aveuglent et vous étranglent. Je poussai la clé entre les doigts d'Henriette. « Va-t'en, sors d'ici, fous-moi le camp !» Henriette se dressa, abasourdie, épouvantée. Je la suivis jusqu'à la porte, que je lui jetai bruyamment dans le dos, puis je me livrai à travers l'atelier à une promenade de lion en cage, suant, suffoquant, crachant ma rage. Ah nom de Dieu, ah nom de Dieu, ah la misérable. J'en ai pour 10 bonnes minutes à digérer mon exaspération. Enfin, j'avalai coup sur coup 2 ou 3 petits verres de cognac qui me rendirent un peu de sang-froid et je pus me remettre au travail. 4 jours entiers s'écoulèrent sans que j'entendisse parler d'Henriette. Mon mécène, complètement achevé, attendait maintenant la décision de ses juges, le nez tourné aux murailles du salon. Mais la fatigue des dernières séances m'avait tellement dégoûté de cette grande bête de toile sur laquelle depuis près de 6 mois je trimais, suais sang et eau, que je me trouvais payé de mes peines par la seule satisfaction d'être enfin dépoissonné d'elle. À l'activité fiévreuse de la veille avait brusquement succédé un abattement général de tout l'être, une espèce d'avachissement intellectuel qui me tenait des heures entières cloué au coussin du sofa, sans en mouvement. Sans une pensée, sans un rêve, ayant gardé juste assez d'énergie pour débourrer ma pipe et la rebourrer ensuite. Dire qu'Henriette ne me manquait pas, si, elle me manquait certainement, plus même que je l'aurais cru. Mais outre que je sentais pour elle l'impérieuse nécessité d'une bonne leçon, j'avoue que je prenais le plus vif intérêt à connaître par quel prodige, prise qu'elle était en l'envie de revenir et le manque complet absolu de tout prétexte à rentrer, elle se tirerait de ce mauvais pas. Et je me creusais la tête, pensant, que diable va-t-elle inventer? Qu'est-ce qu'elle rêve? Qu'est-ce qu'elle mijote? Ah! tête d'oiseau, sodin, te voilà contente maintenant, avec ta stupide dignité. Rage donc, ma fille, rage donc. Une fois que je jetai un coup d'œil par la fenêtre, je l'aperçus passant sur le trottoir en face, marchant fièrement, très vite, sans lever les yeux. Et je me sentis envahi d'une telle commisération que je dus me retenir à toute ma volonté pour ne pas lui courir sus, la rattraper par un bras et lui dire « Allons, c'est bon, tu as été assez malheureuse comme ça, reviens et n'en parlons plus. » Je me contins, cependant, je tins bon et j'attendis paisiblement les événements, m'abstenant même de sortir, sachant fort bien que je n'eusse pas fait 10 pas sans me jeter dans elle au détour d'une rue. Le matin du 5e jour, comme un peu remis en humeur de travail, je posai sur une toile blanche une première indication à la craie, la porte s'ouvrit brusquement. Je regardai. C'était Henriette. Elle entra comme un coup de vent, traversa tout l'atelier, sans me jeter un regard ni un mot, prit une chaise, grimpa dessus, et d'une panoplie d'armes qui décorait le mur, elle détacha un yatagan. Je jetai un cri d'admiration. Elle avait trouvé son entrée. Ça n'avait pas été sans peine, mais enfin, elle l'avait trouvée. Ma première idée fut, je l'avoue, de la lui faire manquer, en la laissant purement et simplement agir. Ma première idée, je l'avoue, fut de la lui faire manquer en la laissant purement et simplement agir. Mais je réfléchis qu'aussi bien, ce pouvait n'être pas malin. Henriette étant capable de se passer dans le cœur tous les yatagans de la création, plutôt que d'en avoir le démenti. Un mien ami proférait un jour devant moi cet axiome d'une haute portée philosophique. Ne défions jamais les femmes ni les fous. Parole dont je crus prudent de ne point mettre la profondeur à l'épreuve. Je sautai donc sur l'arbre que j'empoignai par le fourreau. Allons, voyons, ne fais pas la bête. Laisse-moi tranquille, s'exclama Henriette. Laisse-moi tranquille. Je veux mourir. J'en ai assez de cette existence-là. Je te dis que je veux mourir. Laisse-moi tranquille. Elle était toujours sur sa chaise, cramponnée de deux mains à la poignée d'arbre. Nous tirions chacun par un bout. Le yatagan, rouillé dans sa gaine, résistait. Et brusquement, il céda. Tiraillé du haut en bas, la lame jaillit hors du fourreau et Henriette, prise à l'improviste, s'envoya en plein nez le plus joli coup de poing qui se soit jamais abattu dans la figure d'une entêtée. Ce fut toute une inondation, de sang d'abord, de larmes ensuite. Passée du tragique au grotesque, désespérée, inconsolable, Henriette suffoquait au-dessus de la cuvette, avec de gros hoquets de désespoir qui secouaient sa pauvre petite taille comme un prunier sous une bourrasque. Elle sanglotait. « Je me tuerai, va, je me tuerai. Je me suis manqué cette fois-ci, mais une autre fois, tu verras. »« Mais oui, » répondit, « mais oui, si tu l'as fait entendu, tu te tueras. Où donc ton nez ?» À 5 ou 6 jours de là, comme la paix était ratifiée, je me hasardai à demander à Henriette. « Enfin, dis-moi donc un petit peu ce que tu avais entendu l'autre jour. »« Ah, » fit Henriette qui devint grave, « ne reviens jamais là-dessus. » Je dis « Ah, très bien, très bien. » Et je jugeais intelligent de ne pas insister davantage. Cette leçon, où se sent pourtant à pleine narine, la main vengeresse d'un dieu là exaspéré, eût dû, se semble, porter ses fruits. Il n'en fut rien. Aussi bien, s'il en eût été autrement, Henriette n'eût plus été Henriette, et ce récit n'eût plus eu de raison d'être. Donc, une courte quinzaine ne s'était pas écoulée que déjà une nouvelle scène surgissait. J'avais couché chez Henriette, comme cela m'arrivait à chaque absence du mari, que ses affaires appelaient quelquefois en province. Dans ces cas-là, Henriette, qui avait ses fenêtres sur la rue, disposait sur sa cheminée un jeu de lampes, convenu à l'avance entre nous, et qui, de la petite brasserie où je prenais mon café le soir, me mettait à même de me dire « le mari y est ou n'y est pas, la voie est ouverte ou fermée ». Et selon qu'elle était soit fermée, soit ouverte, je montais chez Henriette ou je rentrais chez moi. C'était sûr, ensemble et commode. Pour en revenir à ce que je disais, j'avais couché chez Henriette et n'ayant rien de mieux à faire, je tirais ma flemme au dodo, tandis qu'elle-même, déjà levée et habillée, se préparait à aller faire son marché. Elle avait renversé sa bourse sur le marbre de la commode et mentalement comptait sa dépense de la veille, faisait du doigt de petites séparations, alignait ses louis à droite, ses sous à gauche, avec une gravité lente et silencieuse de hanneton qui compte ses écus. Moi, accoudé dans l'oreiller, je la regardais faire, sans rien dire, amusé de sa conviction, de sa mine sérieuse et profonde de petite femme bien ordonnée, à laquelle on ne passe pas les délimantes pour des sols, et qui sait à quoi s'en tenir sur l'exacte valeur des pièces du Chili. Elle dut sentir sur elle la pression de mon regard, car, au bout d'un instant, elle se tourna vers moi. Je souris et lui dis gaiement « Hé, Henriette, la monnaie !» Elle ouvrait la bouche pour répondre, mais elle la referma aussitôt, fixant sur moi cet œil inquiet dont le bleu, comme celui de la mer, s'assombrissait ou s'éclairait à volonté, parcourait des gammes entières selon que les périodes d'accalmie succédaient aux périodes d'orage. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » fit-elle enfin. Immédiatement, je vis ce qui me pendait au nez. « Ah, ma fille, c'est bien simple, j'ai dit, hé, Henriette, la monnaie !» Et si seulement un seul instant je songeais à dire autre chose que « Hé, Henriette, la monnaie !» Je vais être changé à ton choix en pain de sucre, en bonnet grec ou en panier à salade. Qu'enfin, c'est une chose inouïe et lamentable que j'en sois venu à n'oser plus dire une parole dans la crainte de m'aller buter une fois de plus à tes sempiternels soupçons et à des défiances imbéciles. Je finirai par ne plus desserrer les lèvres et te laisser causer toute seule. Elle ricana. C'est ce que je te connais, mon cher. Je n'ai pire sournois que toi au monde. C'était elle maintenant qui souriait, d'un des sourires qui en disent long, et dont des millions et des milliards de gifles ne paieraient pas l'insolence froide, l'exaspérante provocation. Je répétais, tu me connais, il serait vraiment préférable que tu connusses toi-même. Tu te corrigerais peut-être. Ah, puis, tiens, tu me fais suer. Je m'étais retourné sur moi-même, réfugié dans la ruelle du lit, en homme qui ne devait plus rien savoir. Henriette tranquillement reprit. « Oh, je ne me fais pas d'illusions. Je sais très bien de quelle estime tu m'honores. Je n'ai jamais été pour toi beaucoup plus que ta cuisinière ou ta concierge. Du reste, vous êtes tous les mêmes. Mauvais barbouilleur de cassou. Ça ne tient plutôt pas un crayon dans les doigts que ça se croit sorti de la cuisse d'un dieu. En droit de se moquer des femmes qui ont été assez naïves pour croire en eux et donner dans leur singerie. » Il n'y en a pas entre tous qui mériterait d'avoir une maîtresse un peu propre. Je haussai les épaules sous le drap. Il est vrai, continua cette douce entêtée, dont ton narquois est plaintif à la fois. Je ne suis pas une artiste, moi. Je suis une petite bourgeoise, une épicière, qui n'entend rien aux belles choses, mais qui sait qu'un sou est un sou, et qui tient à sa monnaie, comme tu daignes si bien le lui faire sentir, parce qu'elle en connaît la valeur. La monnaie, ah vraiment, oui, c'est bien spirituel de ta part. Il serait à souhaiter, mon cher, que tes parents t'eussent élevé comme ont élevé les miens, dans le respect de l'ordre et de l'économie. Tu n'en serais sans doute pas où tu en es à battre encore, à 38 ans, une ridicule et malpropre bohème. Mais non, monsieur fait le grand seigneur, monsieur est au-dessus de ces petits détails, monsieur plaisante les gens de bon sens, monsieur aime mieux dépenser. Je le lui ai vu faire 100 fois. J'en étais écœuré, malade, des 20 et 30 sous par soirée. Et à quoi faire? Je vous le demande. À s'emplir le ventre de bière comme un maçon, à régaler de grands fainéants, bons à rien, qui se gobergent à son compte et se moquent de lui, le dos tourné. Du coup, la patience m'échappa. Je fis dans le lit un tel bond que je m'y trouvais tout assis. « Ah ça, Henriette, est-ce que tu vas me ficher la paix? De quoi te mêles-tu à la fin, avec les 20 et 30 sous que je dépense? Non, mais c'est insensé, c'est inimaginable. Cet argent serait aussi bien le tien que tu n'en crierais pas plus haut. Et tu parles de tes parents? Ah bien, je te le conseille, en effet. Ils t'ont fait un beau cadeau le jour où ils t'ont colloqué les intelligentes théories que tu professes sur l'existence. De jolies moules, tes parents. Des moules? Des moules? Oui, des moules qui ont fait de toi, née bonne, intelligente et fine, un être impossible, hargneux, insociable d'intolérance, froid comme un clou, sec comme une trique, banal comme une devanture de perruquier et avare comme un cloporte de sacristie. Avare, crie Henriette, avare? Que j'en pensasse seulement un mot, mon Dieu, non. Je cédais en parlant ainsi à ce besoin impérieux de mauvaise foi qui est acquis à tout cœur ulcéré de par son droit de légitime représailles. Henriette d'ailleurs marronnait sérieusement, ce dont je concevais une joie sans mélange, bien qu'elle s'efforçât de n'en rien laisser voir, et poussa de grands éclats de rire. Avare, répétait-elle, avare, parce que je suis économe et que bêtement, stupidement, comme tu passes ta vie à le faire, je ne jette pas l'argent par les fenêtres. Ah, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Et brusquement, avec cette logique admirable, ce sens spécial, extraordinaire de l'absurde et de l'imprévu que savent apporter les femmes en toutes choses, elle bondit sur son argent, prit au hasard un louis dans le tas et le lança de toutes ses forces par la croisée, accompagnant sa disparition de cette exclamation triomphale. C'est comme ça que je suis avare. J'ajoute que, dans l'instant même, les nerfs se détendant comme par enchantement, l'instinct de la ménagère reprit le dessus. Je bâillais encore d'épatement quand Henriette déjà avait ouvert la porte et s'était jetée dans l'escalier à la poursuite de sa pièce. Elles durent arriver ensemble dans la rue. Et alors, je demeurai seul, riant comme un imbécile, mais riant à en être malade, à être secoué comme une feuille au vent, pensant. Dire que ce sera comme ça toute la vie. Me représentant Henriette immobile dans la rue, en train d'inspecter le trottoir au milieu d'un cercle de badauds. Je ne ravalais cet accès de gaieté, et Dieu sait la force de caractère que je dus y mettre, qu'en entendant Henriette rentrer. Du reste, à la seule façon dont elle repoussa la porte, je fus fixé sur le résultat de ses recherches. Je demandai: Eh bien, Henriette, as-tu retrouvé ton argent? Elle leva les épaules et se tut. Je repris: Tu vois, mon pauvre chat, c'est le bon Dieu qui te punit. 20 francs de fichu pour avoir eu le plaisir de faire la mauvaise tête. Mais elle, 20 francs de fichu? 20 francs de chute? 20 francs de fichu? Et qu'est-ce que ça me fait à moi, 20 francs de fichu? Crois-tu que j'en sois à 20 francs près? Tiens, voilà comment je les pleure, mes 20 francs. Et là-dessus, pour me bien prouver que la perte de ses 20 francs l'a laissée froide et sans dépit, elle empoigna un second louis et l'envoya rejoindre le premier. Fin.